Il n'y a pas d'avance, Denis. Il pleut, il pleut. Que vous voulez que je vous dise? Oui, mais enfin, aujourd'hui, ça ne va quand même pas être le déluge. Tout au plus, un petit peu de bruine en cours de matinée près du littoral. Et puis, bon, bah, ça pourrait donner l'une autre petite averse jusqu'au centre du pays cet après-midi. Sur le sud, ça pourrait bien rester sec. Les températures sont en légère baisse aujourd'hui, avec assez bien de nuages. 16 à 19, voire 20 degrés. Et puis surtout, le vent se renforce de secteur ouest. Allez, demain, encore un petit peu de patience. Les éclaircies vont déjà s'élargir. Le risque d'averse deviendra anecdotique. 17 à 21 degrés. Puis jeudi, ça y est, on embraye sur des éclaircies. 18 à 23 degrés. Vendredi, éclaircies aussi. 19 à 24 degrés. Il est 8h et à la une de l'actualité ce matin, de plus en plus de travailleurs qui optent pour le temps partiel. Oui, environ un travailleur sur quatre ne travaille pas à temps plein. En Belgique, c'est un choix de vie pour la plupart. Ça permet d'avoir plus de temps libre, mais bon, ça dépend comment s'organiser. 3h48 par jour, comme c'est le cas pour l'instant pour moi, c'est moins intéressant que de travailler 3 jours semaine. Les employeurs n'y sont pas toujours favorables, pourtant ils peuvent s'y retrouver aussi, on le verra. Bientôt un cadastre des centres de bronzage. Objectif, mieux identifier les établissements disposant de bancs solaires. La plupart sont aujourd'hui en infraction. Hillary Clinton peut compter sur le soutien de Barack Obama pour l'emporter sur Donald Trump à un peu plus de 4 mois de l'élection présidentielle américaine. C'est l'heure du rassemblement dans les deux camps. Wimbledon s'arrête là pour David Goffin, battu hier en 8e de finale, mais le joueur liégeois se tourne déjà vers ses prochains tournois, on l'entendra. La Grand Place de Bruxelles se pare pour le spectacle de l'Homme Gang ce soir, une reconstitution de l'accueil de Charles Quint dans la capitale en 1549. Invité d'honneur cette année, Patrick Poivre d'Arvor. Et le travail à temps partiel qui séduit donc de plus en plus de Belges. Les mi-temps, les 3/4 temps, les 4/5e, de plus en plus de travailleurs choisissent de travailler moins. Plus 28% ces dernières années dans le secteur privé. Le signe que les mentalités évoluent du côté des employeurs comme des travailleurs, Simon Bourgeois. Oui, ça a souvent été mal vu, un mi-temps, mais la société change. De plus en plus de personnes veulent donner de la place à la vie familiale. Concilier boulot et vie privée, Lucie, par exemple, a fait ce choix. La volonté de faire quelque chose d'autre sur le côté qui m'intéressait d'un point de vue privé. Donc c'était une activité artistique en fait, qui me demandait tout un pas mal de temps. Donc, et aussi pour m'occuper de mes enfants quand ils étaient plus jeunes. Et pour finir, oui, ça s'est vraiment inscrit dans ma vie et j'ai continué comme ça. Cela dit, ce n'est pas un choix pour tout le monde. Le temps partiel est parfois subi. C'est fréquent dans les cafés, les restaurants ou les entreprises de nettoyage, par exemple. Des femmes, des hommes voudraient des temps pleins, veulent travailler plus, mais l'employeur ne leur donne pas. Pour être plus flexible ou pour avoir des employés plus en forme, vu la difficulté physique de ce genre de travail. On le voit, les mentalités changent aussi côté employeur pour des raisons d'efficacité que vous venez d'évoquer, Simon, mais pas seulement. Non, ça permet aussi de varier les profils. 4 personnes à mi-temps, ça fait plus de connaissances et de savoir-faire que 2 personnes à temps plein. Pour Vincent Reuter de l'Union Wallonne des entreprises, c'est clair, certaines boîtes y trouvent leur compte dans ce système. En utilisant des temps partiels, vous pouvez effectivement avoir une palette de compétences plus étendue que si vous vous reposiez uniquement sur des temps pleins. L'exercice a ses limites, mais c'est quand même une possibilité intéressante à considérer du point de vue des employeurs. Les mentalités changent donc chez les travailleurs, chez les employeurs. Cela dit, le temps partiel, il faut pouvoir se le permettre. Dans certaines conditions, il y a des compléments de chômage pour les jours où on ne travaille pas, mais un chômage plus compliqué à obtenir qu'avant. Le temps partiel, c'est donc une vraie perte de revenus. Les explications de Simon Bourgeois avec Odile Lehert. Le rôle de Salah Abdeslam dans les attentats de Paris, bien plus important qu'il ne le prétend, c'est son ami d'enfance et complice présumé qui balance, selon Mohamed Abrini, l'homme au chapeau survivant de Zaventem. Salah Abdeslam a organisé tous les trajets et logements des kamikazes des attentats de Paris. C'est ce qui ressort en tout cas des premiers PV d'audition d'Abrini dévoilés par la chaîne flamande VTM. Son avocat somme le parquet fédéral de tout mettre en œuvre pour trouver qui est à l'origine de ces fuites. Oui, et puis toujours concernant les attentats de Paris, c'est aujourd'hui que la commission française d'enquête remet son rapport. Un rapport duquel émanent 39 propositions pour mieux lutter contre le terrorisme. Elles seront présentées ce matin à l'Assemblée nationale française. Parmi les nombreux points évoqués, le manque de circulation dans l'information sur les djihadistes, Patrick Michel. Plusieurs défaillances ont été pointées par la commission d'enquête. Exemple côté français d'abord, avec la sortie de prison d'Amedi Coulibaly. Cela se passe plusieurs mois avant les attentats de Charlie Hebdo et à l'Hyper Cacher. Les services pénitentiaires n'avertissent pas les services de renseignement. La conséquence, c'est qu'aucune surveillance ne sera mise en place sur Coulibaly. L'autre exemple, au lendemain des attentats du 13 novembre, là ce sont les Belges qui sont pointés du doigt pour n'avoir pas renseigné la radicalisation des frères Abdeslam. Pour le rapporteur de la commission française, il y a moyen de renforcer la coopération sur le plan européen. Aujourd'hui, on n'a que 20 pays sur 28 qui alimentent le fichier Schengen. Ce n'est pas suffisant et la manière dont il est alimenté est là aussi souvent défaillant de la part d'un certain nombre de pays qui n'ont à la fois pas les infrastructures techniques ou des services de renseignement adéquats pour pouvoir remplir de manière assez précise le fichier Schengen. Donc il y a un problème effectivement d'alimentation et un problème de précision de ce fichier. Au final, tous les aspects de la lutte antiterroriste sont repris dans les 39 propositions, de la gestion des banques de données à la sécurité des aéroports internationaux, en passant par le recrutement de personnel spécialisé. L'intégralité du rapport sera publiée sur Internet le 12 juillet. C'est ce matin que le jugement doit tomber dans le procès de la cellule terroriste de Verviers, cette cellule démantelée lors de l'assaut de la police début de l'année passée. Un projet d'attentat en Belgique avait été déjoué. L'accusation a requis des peines allant de 15 à 18 ans de prison pour les trois principaux suspects. Les centres de bronzage sont dans le collimateur du ministre de l'Économie. Parce que lors de la dernière inspection, deux tiers des centres contrôlés étaient en infraction. Souvent pour des lampes qui dépassent les normes, des centres qui laissent entrer des mineurs, centres qui proposent souvent des bancs solaires comme activité secondaire. Alors à l'avenir, de nouvelles catégories vont être créées pour identifier tous les établissements proposant ce service. Une sorte de cadastre, Miguel Allo. Oui, et pour réaliser cet inventaire de tous les établissements disposant de bancs solaires, une nouvelle sous-catégorie va voir le jour au sein de la banque Carrefour des entreprises. Chantal Depau, porte-parole du service public fédéral économie. Normalement, les entreprises sont déjà là avec leur activité principale, par exemple coiffeur, mais ils seront maintenant obligés d'identifier aussi le fait qu'ils ont des banques solaires aux dispositions des consommateurs. Du côté des professionnels, on approuve ces nouvelles mesures. Gérard Dinsart est le vice-président de la FEBELSOL, la Fédération belge des centres de bronzage. C'était une des revendications de la FEBELSOL. La pratique montre qu'aujourd'hui, on trouve des bancs solaires un peu partout et notamment dans des activités qui n'ont rien à voir vraiment avec les professionnels du bronzage. Je pense à des pompes à essence, je pense à des légumiers, je pense à des magasins de bricolage qui ont à l'arrière-boutique des bancs solaires. Et tout ça doit évidemment être comptabilisé et cadastré pour savoir ce qui se passe vraiment. En attendant la mise en place de ces nouvelles mesures, soyez raisonnables. La Fondation contre le cancer le répète régulièrement, l'utilisation de ces appareils n'est pas sans danger. Dans l'actualité, pas sans danger non plus, les morsures de tiques qui sévissent durant les mois d'été. Des tiques qui se cachent souvent dans les branches d'arbres, les herbes hautes ou sur les animaux et qui se multiplient avec le réchauffement climatique. Et quelques 10% sont porteurs de la maladie de Lyme, difficile à diagnostiquer et qui peut engendrer des maladies chroniques. Soignés à temps, on en guérit avec des antibiotiques. Thierry Van Gulik a recueilli le témoignage d'une famille de fermiers d'Assès dont 3 membres ont été infectés. On écoute la maman Leslie Grain d'orge d'Ozo. Ici, ces derniers temps, on remarque qu'il y en a énormément sur les vaches, d'où on en attrape, que ce soit au bras, même dans le dos, beaucoup avec le contact avec les animaux. Vous avez contracté la maladie de Lyme, mais on n'a pas diagnostiqué tout de suite le problème. Oui, on n'avait jamais vu de piqûres ni d'érythème migrant, j'avais jamais vu de tique non plus sur moi, donc... C'est une hypothèse qu'on a tout de suite écartée et il a fallu 6 bons mois pour diagnostiquer la maladie de Lyme. J'ai arrêté totalement de travailler, j'étais complètement paralysée la moitié du corps. J'avais de gros problèmes au niveau système neurologique évidemment et puis les yeux et tous les membres. Vous pensez que c'est une maladie qui est en plein développement ? Oui, tout à fait. Quand je parle autour de moi, il y a énormément de gens, plus qu'on le pense, qui sont malades. Il y en a énormément. Et sachez que le site tic.net répertorie les zones les plus à risque. Vous pouvez y signaler les morsures de tic via une application téléchargeable sur smartphone. L'élection présidentielle américaine à présent, c'est dans à peine plus de 4 mois. Oui, et maintenant qu'on sait que le duel opposera Donald Trump à Hillary Clinton, l'heure est venue pour chacun des candidats de rassembler dans son camp. Alors que le sénateur du Vermont Bernie Sanders tarde à soutenir clairement Hillary Clinton, la candidate démocrate peut désormais compter sur un autre soutien et non des moindres, Julien Geffredo. Et oui, celui de Barack Obama, un soutien très explicite à partir d'aujourd'hui puisqu'il va faire campagne à ses côtés à Charlotte, en Caroline du Nord. C'est le début d'une série de meetings pour tenter de redynamiser la campagne d'Hillary Clinton. Et l'ancienne secrétaire d'État en a bien besoin après le dernier épisode qui concerne l'utilisation de sa fameuse messagerie privée alors qu'elle dirigeait la diplomatie américaine. Samedi matin, elle était interrogée par le FBI. Un gage de sérieux et de fiabilité, voilà ce qu'elle espère gagner en s'affichant aux côtés de Barack Obama. Une présence qui pourrait également lui assurer le soutien du vote des minorités et des jeunes diplômés. Il reste très attaché à l'actuel président. Et ils ne seront pas trop deux pour répondre aux attaques de Donald Trump, le candidat républicain, une privilégiée membre de l'establishment, une corrompue malhonnête, faible contre le terrorisme. Le milliardaire ne manque pas de mots contre la candidate, une rivale qui le devance toujours dans les sondages malgré tout. Les précisions de Julien Geffredo, merci. Il est 8h11 et c'est le 8-9 Sport avec la défaite de David Goffin hier à Wimbledon. Défaite en 5-7 contre le Canadien Milos Raonic, mais une belle régularité tout de même pour le Belge dans les grands rendez-vous, Lise Burion. Oui, David Goffin présent en deuxième semaine des trois premiers grands chelems de la saison, avec un huitième de finale ici à Wimbledon, comme à l'Open d'Australie en début d'année, et un quart de finale aussi à Roland-Garros il y a un mois. Goffin est 11e mondial et on peut donc dire qu'il tient son rang, même s'il avait les armes pour battre Raonic hier. Il l'a prouvé en jouant et gagnant deux très bons premiers sets avant de perdre les trois suivants. Ce match est déjà derrière lui. Il faut penser à la suite parce qu'il y a quelques beaux objectifs à venir. David Goffin. Il y a d'abord un peu de repos, forcément, toujours après les grands chelems, c'est toujours un coup de fatigue, il faut bien se reposer. Maintenant, après, ce sera la reprise sur dur, et Toronto sera vraiment un très gros tournoi où on va vraiment voir si voilà, je suis bien repris sur dur, et puis on sera au JO. On va essayer de tout faire à fond. L'objectif, c'est sûr, les jeux sont un objectif, mais voilà, tout est un objectif en fait, tous les tournois que je fais. On va essayer de faire la même chose avec la même constance, en espérant d'être très performant au jeu, forcément, mais voilà, en étant performant aussi, j'espère, à Toronto, à Cincy et à l'US. Donc on va essayer de tout faire à fond et on verra ce que ça donne. Des propos recueillis à Londres par Christine Anquet. Le tournoi de Toronto, donc, ce sera la dernière semaine de juillet. Et puis les Jeux Olympiques à Rio avant les tournois de Cincinnati et de l'US Open. Exit Goffin donc à Wimbledon. Par contre, Murray, Federer, Tsonga ou encore Cilic sont passés. Chez les dames, on joue les quarts de finale aujourd'hui avec notamment les deux sœurs Williams. Une première depuis 6 ans de les retrouver là en quart de finale toutes les deux. Mais elles ne peuvent se retrouver face à face qu'en finale. Merci Lise. En cyclisme, Marc Cavendish marque les esprits et l'histoire au Tour de France. Il a remporté hier sa deuxième étape en 3 jours, ce qui monte son total à 28 étapes remportées sur la grande boucle. Eddy Merckx garde le record avec 34 victoires, mais Cavendish égale Bernard Hinault. Jérôme Elgers a demandé aux Français ce que ça lui faisait d'être ainsi rejoint par le sprinter britannique. Ça ne me fait rien, parce que c'est fait pour être battu, autrement ça serait ridicule de s'accrocher à ce titre. Tel qu'il est parti avec l'Achilla, il peut encore aller beaucoup plus loin et à l'occasion battre Eddy. Vous attendiez à le voir aussi fort sur ce Tour de France ? Au départ, non, comme il n'y a pas eu vraiment trop de confrontations avec tous les grands champions en même temps, on ne peut pas savoir. Mais là, depuis le départ, il nous montre vraiment qu'il est bien présent. Hein. On l'avait un petit peu enterré sur les 2 dernières années parce qu'il n'avait pas eu trop de victoires. Mais là, je pense que... Il est vraiment à la hauteur de sa réputation et ses 28 victoires, il les a bien méritées. Et Peter Sagan, 4e de l'étape, conserve le maillot jaune. Il le portera aujourd'hui sur la plus longue étape de ce Tour 2016, 237 km entre Saumur et Limoges. Et puis la première représentation de l'Homme Gang ce soir sur la Grand Place de Bruxelles. L'Homme Gang, c'est un cortège et un spectacle qui reconstitue l'accueil de Charles Quint, venu présenter son fils aux Bruxellois en 1549. Cette année, Patrick Poivre d'Arvor sera l'invité d'honneur de l'Homme Gang. Il assurera les commentaires en français du spectacle historique. Un spectacle impressionnant qui rassemble de nombreux figurants en costume d'époque. Présentation signée Geoffroy Fabré. Chaque année, l'organisation met les petits plats dans les grands pour replonger Bruxelles au cœur du XVIe siècle. 1400 figurants, plus de 1000 costumes, 47 groupes folkloriques, le tout pour 2 heures de spectacle sur la Grand Place. Paul Legrand est le président de l'Omegang Brussels Event. C'est une très très grosse logistique quand même, il faut savoir. On est sur la Grand Place, il y a tout l'aspect bien sûr de mise en place, de montage de tribunes, l'aspect sécuritaire, parce qu'on a beaucoup travaillé avec la police et on sera en toute sécurité là-dessus. Et puis alors des activités au Parc Royal également, parce qu'on veut vraiment que l'ensemble de Bruxelles soit plongé à l'heure de la Renaissance pendant une semaine. L'Omegang est destiné aux Bruxellois, mais aussi aux touristes. Et chaque année, un conteur connu internationalement est désigné pour commenter le défilé. Cette année, ce sera l'ex-journaliste de TF1, Patrick Poivre d'Arvor. Je suis extrêmement fier de prendre le rôle de héros à la cour de Charles Quint et ainsi de participer d'une certaine façon à la retransmission d'un moment charnière de l'histoire de la Belgique. 2000 places assises sont disponibles par soir sur la Grand Place et il en reste encore quelques-unes à vendre. Deux représentations auront donc lieu, l'une ce soir et l'autre jeudi. Enfin, on le surnommait le Rossellini de Téhéran. Le réalisateur iranien Abbas Kiarostami est décédé hier des suites d'un cancer, considéré comme l'un des plus grands cinéastes au monde. Il avait à son actif une quarantaine de films, dont Le goût de la cerise, palme d'or du Festival de Cannes en 1997. Abbas Kiarostami avait 76 ans. Je réfléchissais à l'Omegang de Bruxelles. Dans le fond, c'est à Bruxelles ce que le carnaval de Binche est à Binche. Vous en avez un autre, Julie Compagnon. À Bruxelles, ce que la tarte à l'jeu est à Nivelles. Ouais, pas mal, Julie Van Hache. Ce que le carnaval de Rio est à Rio, olé olé. Ouais, pas mal, ouais, Sarah. Ce que la brocante de la moule est à Lille. Oui. Mais ils font des brocantes et mangent des moules en même temps. Écoutez, ouais. Le gars de l'Omegang vient de se suicider. Vous l'avez comparé à une brocante à moule à Lille. Mais non, elle est super connue, elle est gigantesque. Je sais bien. Oh. 8h16, RTBF Mobile Info. En juillet chez Ego, profitez de 25% de remise sur votre nouveau placard ou dressing sur mesure. Ego, la cuisine de ma vie. Stéphane sur les routes. Et sur les routes, la plupart des embouteillages concernent Bruxelles, le ring de Bruxelles et les axes qui convergent vers la capitale. Mais vous allez vous en apercevoir, c'est les vacances sur les routes. Faisons le point sur les temps de parcours. Entre Mons et Hautitre, sur le 19, la circulation est fluide. Et puis sur le ring de la capitale, en circulation intérieure à l'approche du chantier d'Anderlecht, vous perdez une vingtaine de minutes. Et dans l'autre sens, pour la circulation extérieure, c'est 10 minutes supplémentaires entre Grand-Bigard et Ittre. Ça ralentit également entre Grand-Bigard et Zaventem en circulation intérieure où un accident s'était produit à hauteur de Vilvoorde. 12 minutes supplémentaires, mais la chaussée est dégagée à présent à Vilvoorde. Le point sur les temps de parcours sur l'E40 qui vient de Liège pour rejoindre Bruxelles ce matin. Vous n'allez pas perdre plus de 10 minutes sur l'E411 qui vient de Namur. Quelques ralentissements, mais très légers, moins de 10 minutes pour rejoindre le carrefour Léonard. Et pour être complet, faisons le point sur les temps de parcours sur le ring extérieur entre Ittre et le carrefour Léonard. 4 minutes supplémentaires et entre Zaventem et le carrefour Léonard pour la circulation intérieure. C'est 8 minutes qu'il faut ajouter à votre temps de parcours. Bonne route. Votre voiture est en morceaux à Tirlemont ? Etia, c'est là dans les 30 minutes. Un problème sur la route ? Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. Bon, on fait quoi ce matin ? C'est difficile quand tout le monde s'appelle Julie. Alors, l'accompagnons, c'est pour le tube de l'été. Alors, le tube de l'été, bah, c'est l'histoire de deux mecs qui étaient en galère et ça a donné l'été indien. Je vous en parlerai tout à l'heure. OK. La vanache, c'est pour l'été des people. Oui, du bikini, de la bronzette, de la playa et puis Italie, New York, ça vous dit ? Et celle qui s'appelle pas Julie nous propose une évasion express dans un instant. On va où ? On va à l'abbaye cistercienne d'Aulne. Dans 2 minutes, bougez pas. Il y a des rendez-vous à ne pas manquer, des voyages extraordinaires où les couleurs, les matières et les idées vous emportent loin. Il y a des soldes qu'on ne louperait pour rien au monde. Il y a Imagine, près de chez vous, à Neupré. Des soldes sur l'ameublement qui valent vraiment le voyage. C'est chez Imagine, 132 route du Condroit à Neupré, ouvert même le dimanche. www.imagine.be. Vivacité présente Allo, l'espace à l'Eurospace Center, ce samedi 9 juillet à partir de 16h. Soirée à thème inoubliable, à vivre en famille ou entre amis, à la recherche de vie sur d'autres mondes. Nouveauté cette année, un quiz musical live extraterrestre. Mais aussi 6 conférences sur la vie dans l'univers, des spectacles, des séances de planétarium pour toute la famille. Renseignez-vous vite sur eurospacecenter.be. Eurospace Center, autoroute E411, sortie 24. Profitez de soldes exceptionnels sur les TV Samsung chez Sélection et vivez les jeux de Rio comme si vous y étiez. Sélection, meilleur et pas plus cher.

Pour les bonnes choses de la vie, n'y a-t-il rien de mieux que... TV, multimédia, électro. Vandenborg, la confiance. Et vous nous rappelez, Catherine, l'actualité de ce mardi. Et 39 propositions pour mieux faire face au terrorisme. Elles émanent de la commission parlementaire française sur les attentats de Paris. Commission qui remet son rapport aujourd'hui. Il y sera notamment question du manque d'échange d'informations sur les profils extrémistes. Une fusion à venir entre les facultés Saint-Louis à Bruxelles et l'université catholique de Louvain. Les négociations sont en cours. Les deux universités devraient confirmer lors d'une conférence de presse prévue ce midi. La plus longue étape du Tour de France, aujourd'hui 237 km entre Saumur et Limoges. Hier, la victoire a été remportée au sprint par Mark Cavendish. Une très faible zone de pluie aujourd'hui sur le territoire de la Petite Bruine. Petite. Les pluies sont petites. Le mot-clé de ce matin, c'est donc petite. Vous l'aurez compris, 20 degrés de maxima. Il est pile 8h30. Et on s'informe. Bonjour Fabien Magri. Bonjour Benjamin Maréchal, bonjour à tous. Jupiter va-t-elle enfin dévoiler tous ses secrets? Les astronomes l'espèrent en tout cas, car depuis 5 heures ce matin, la sonde américaine Juno est en orbite autour de la plus grosse planète du système solaire. Elle va tourner durant plusieurs mois et envoyer des données vers la Terre. Et tout cela, Françoise Dubois, est possible grâce à un peu de technologie liégeoise. Connaître l'origine du système solaire en scrutant de près la plus grande et la première de nos planètes, c'est l'objectif de Juno. C'est la première fois qu'une telle observation de pôle à pôle, là où les champs électromagnétiques sont les plus forts, sera réalisée. Pour cela, il a fallu cette nuit parvenir à ralentir la sonde. Une sonde d'un coût $1 milliard avec un peu de technologie liégeoise pour observer les aurores. Denis Grosdan, directeur du laboratoire de physique atmosphérique et planétaire de l'ULG. L'Université de Liège est directement impliquée dans un des instruments de la mission. Il s'agit d'un spectrographe ultraviolet qui va nous permettre d'observer les aurores qui apparaissent au pôle nord et au pôle sud de Jupiter. Alors ça, c'est extrêmement important parce que ces aurores nous donnent une image de ce qui se passe dans l'atmosphère de Jupiter et aussi à l'extérieur de Jupiter et qui nous permettra notamment de comprendre quelles sont les interactions que Jupiter a avec ses lunes, par exemple. Les premières images captées par Juno sont prévues pour l'automne. Lancée il y a 5 ans par la NASA, Juno est donc entrée ce matin dans l'orbite de Jupiter au terme d'un périple de près de 3 milliards de kilomètres. Revenons bien les pieds sur terre avec les bibliothèques communales de la ville de Liège qui renouvellent leur stock de livres. C'est une librairie de la Cité Ardente qui a été choisie comme fournisseur. Et ce n'est pas le fruit du hasard, Marc-Yves Le Seymon. On peut parler d'une réelle volonté politique. Ah, tout à fait, hein, puisque l'objectif est bien de donner un petit coup de pouce aux quelques rares librairies indépendantes encore présentes à Liège. Mais pour cela, il a fallu trouver une astuce, car ce marché public d'un peu plus de 200 000 euros devait évidemment faire l'objet d'un appel d'offres européen. C'est la loi. Et cette astuce, Marc, en quoi consiste-t-elle? Eh bien, dans le cahier des charges, la ville a prévu une clause de proximité. Cette clause impose en fait que le fournisseur doit disposer d'un magasin dans un rayon de 30 km autour de Liège. Argument invoqué, il faut permettre au personnel des bibliothèques d'effectuer lui-même sur place les sélections d'ouvrages. Une condition sine qua non, une petite mesure protectionniste qui a permis de limiter fortement le nombre de candidats. Et c'est finalement la librairie Pax qui a remporté ce marché valable pour 2 années. Elle fournira donc les 13 bibliothèques communales de la ville, ainsi que la bibliothèque Ulysse Capitaine. Bref, la lecture en Cité Ardente, c'est une affaire de Liégeois. Les propriétaires de camping sont désespérés. En ce début d'été, peu d'entre eux affichent complet en province de Liège. À Teux, par exemple, au camping de l'Escargot, la patronne Tineke Honoré déplore un mois de juin catastrophique. Les 2/3 de ses emplacements sont encore vides. Pour 2 raisons, le mauvais temps et l'étalement des vacances aux Pays-Bas. L'année passée, c'était une superbe année. Il a fait bon tout le temps. Maintenant, je pense qu'on a eu 26 ou 27 jours de pluie au mois de juin. Donc c'est clair, c'est pas idéal pour le camping. C'est encore très tôt dans la saison. Hein. Notre public, c'est principalement des néerlandophones, donc soit des Flamands, soit des Hollandais. Et leurs vacances, pas les Flamands, mais les Hollandais, sont étalées sur les mois. Ils n'ont que 6 semaines. Et cette année, ça tombe très tard, parce que la plupart des gens, des enfants, sont toujours à l'école pour le moment. Donc ça commence, on va dire, ça démarre vraiment vers le 15 juillet. Mais les gens attendent un peu le temps et on remarque très bien le moment qui fait beau une journée, bah, il y a plus d'emails, il y a plus de coups de fil. Tineke Honoré, la patronne du camping de Jevoumont à Theux, interrogée par François Brébant. Le tribunal correctionnel de Bruxelles rendra son jugement en principe aujourd'hui dans le procès de la cellule terroriste de Verviers, cellule démantelée en janvier 2015 et qui projetait des attentats sur le sol belge. L'accusation a requis des peines allant de 10 à 18 ans de prison pour les quatre principaux suspects. Le dernier spectacle de Bruno Coppens, Ma vie est un destin animé, est à l'affiche des vacances théâtre de Stavelot ce jeudi 7 juillet. Un seul en scène mené tambour battant où Bruno Coppens passe en vue une palette de personnages dans une grande fantaisie verbale. Et bien sûr, les jeux de mots abondent. J'ai réuni pas mal de personnages et l'ensemble forme une trame, une vie de l'enfance, vraiment l'enfance, l'école primaire, puis adolescence, puis le séjour à la mer, puis les petites annonces amoureuses pour rencontrer la femme de sa vie, et puis l'âge adulte, l'arrivée dans le monde, et puis le monde d'aujourd'hui qui est pas très drôle, pas très rose, et puis jusqu'à la vieillesse. Donc vraiment, j'ai essayé de réunir tous les personnages et chaque personnage a un rapport avec le langage différent. Donc il y a la vieille qui déconne un peu dans sa tête, qui dit des choses un peu extravagantes, tu as le jeune qui sait pas comment parler d'amour et qui trouve des formules mais pas toujours adéquates. T'as l'enfant qui joue avec les mots de façon beaucoup plus naïve. Et tout ça forme vraiment une trame très variée au niveau de la structure et l'écriture. Le tout sur un rythme endiablé. Oui, ben ça c'est mon truc. Moi j'ai l'impression, en fait, ce que j'aime bien, c'est de l'impression que ce langage existe tel quel, que je parle comme ça en fait, comme si les mots pouvaient nous échapper. Bruno Coppens qui répondait à Philippe Collette. Son spectacle Ma vie est un destin animé, c'est donc aux Vacances Théâtre de Stavelot, les VTS, après-demain, ce jeudi, et ce sera sous le chapiteau dressé dans la cour de l'abbaye. Le spectacle commence à 21h. RTBF Mobile Info, Stéphane. C'est autour de Bruxelles et sur le ring de la capitale que ça ralentit ce matin. Benjamin, faisons le point tout de suite sur vos temps de parcours, les minutes que vous perdez sur le ring. Tout d'abord avec ce chantier à Forêt, vous circulez sur deux voies rétrécies entre Ittres et Grand Bigard. 25 minutes supplémentaires en circulation intérieure et 10 minutes supplémentaires entre Grand Bigard et Ittres pour la circulation extérieure. Ça ralentit également entre Grand Bigard et Zaventem en circulation intérieure. Ajoutez un quart d'heure à votre temps de parcours. Pour rejoindre Bruxelles, une dizaine de minutes sur le 40 qui vient de Gand. 12 minutes précisément sur le 19 qui vient d'Anvers pour rejoindre Strombeek-Bever. Sur le 19, pardon, c'était la 12, le 19, 10 minutes supplémentaires, pardon, pour rejoindre l'échangeur de McCullen. Et puis nous allons également prendre la direction de l'E40 qui vient de Liège où vous perdez 15 minutes pour rejoindre Woluwe-Saint-Étienne. Sur le 411 en venant de Namur, comptez 15 minutes supplémentaires. Et puis sur le ring en circulation extérieure entre Ittres et le Carrefour Léonard, 10 minutes de plus. Pareil en intérieur entre Zaventem et le Carrefour Léonard, plus 10 minutes ce matin. Votre voiture est en morceaux à Tirlemont ? Etias est là dans les 30 minutes. Un problème sur la route ? Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. Avec nous, l'euro est bleu, blanc, diable. Pour suivre en direct et en exclusivité tous les matchs de l'UEFA Euro 2016, rendez-vous en télé sur la 1 et la 2, en radio sur Vivacité et sur le web sur rtbf.be/ovio et rtbf.be/sport. Enflammez le supporter qui est en vous. Dès 15h, Vivacité vous donne envie de vivre ici. Ce week-end, vous allez en Ardennes ? Oh, regarde là-bas ! Oh, il est beau le chevreuil ! Oh oui ! Ou bien dans un bon restaurant ? Il est bon le chevreuil, hein ? Oui. Avec le billet week-end de la SNCB, vous voyagez aller-retour à moins 50%. Et jusque fin août, votre billet week-end est valable encore plus longtemps. Du vendredi matin au lundi soir. Infos et conditions sur letrain.be. Le train. Le 8-9. Bon alors, qui fait quoi ? Sarah Viss a déjà travaillé, c'était l'évasion express tout à l'heure. Les deux Julie, pas encore. Il y aura donc du people et tes people. Et du bikini olé olé, monsieur. Ça, c'est la vanne. Je peux obliger de les appeler comme ça, parce que tout le monde s'appelle Julie. Ouais. Et la compagnon. Ah ben, il y aura du tube de l'été avec aujourd'hui, Benjamin, l'été indien de Joe Dassin. Qui ne fut pas toujours de Joe Dassin. Ah, on ira où tu voudras, quand tu voudras. Et l'on s'aimera encore. Et on se replongera évidemment dans les meilleurs moments des invités du 8-9 de cette saison. Guillaume Musso dans quelques instants. Dans l'immédiat, 8h39, nous allons à Poitiers rejoindre Samuel Grulois sur la route du Tour. Bonjour Samuel. Bonjour Benjamin, bonjour tout le monde. Et en gagnant la première étape samedi, Mark Cavendish a prouvé, donc il a toujours de beaux restes. En gagnant la troisième étape d'hier, il est carrément entré dans l'histoire. Ah oui, hein, le Britannique affole les compteurs, le compteur de son vélo d'abord, car ça sprintait très vite dans les rues d'Angers sur le faux plat montant final. Et puis, il affole aussi les compteurs statistiques avec une 28e victoire d'étape sur le Tour de France. La première, c'était à Châteauroux, le 9 juillet 2008. Et personnellement, je me souviens très bien de ce sprint où Cavendish avait dominé Freire et Isabelle. Grâce à cette fameuse double accélération, ce terrible double kick qui a fait sa réputation. Hier, c'était flagrant. Il a retrouvé ce sprint en deux temps pour dépasser Greipel dans les 50 derniers mètres et le battre de quelques millimètres à peine. L'Allemand a d'ailleurs d'abord cru à la victoire en serrant le poing et en levant le bras gauche avant quelques instants étonnants de flottement sur la zone d'arrivée et voir ces deux coureurs dans le doute, Greipel et Cavendish qui attendaient fébrilement le résultat de la photo finish et le verdict donc des commissaires qui ont finalement confirmé, annoncé la victoire du coureur de Dimension Data qui marque donc l'histoire en rejoignant Bernard Hinault en personne au Panthéon du Tour avec 28 bouquets. Seul le grand Eddy Merckx évidemment les devance toujours avec 34 succès, mais la performance du CAV est peut-être encore plus marquante que celle du blaireau qui compte dans ses 28 victoires 20 contre la montre, alors que Cavendish lui a bel et bien remporté 28 étapes en ligne. C'est tout bonnement exceptionnel, tout comme dans un autre niveau évidemment la nouvelle 5e place du jeune belge Edouard Teuns hier. Alors, on dit un mot du programme de la journée. Ce mardi, on descend encore un peu plus vers le sud. Samuel, c'est la plus longue étape du Tour 2016, la plus longue. Oui, 237 km 500, c'est pas mal. Hein. 237 km 500 entre Saumur, en bord de Loire. Saumur, bien connu pour son vin. Et d'ailleurs, pour l'anecdote, Gérard Depardieu sera au départ ce matin. Il n'y a pas de hasard. Et puis, Limoges, bien connu, je ne vous apprends rien, pour sa porcelaine. On attend un temps sec, un léger vent dans le dos et surtout 26 degrés, c'est enfin l'été sur le Tour de France. On espère que cela poussera les coureurs à faire la course, à faire le spectacle, la carrière. Et ce sera mon gentil petit coup de gueule matinal. On s'est un peu ennuyé pendant de longues heures, la faute à un peloton qui avait décidé de musarder en chemin. 6 heures de course, moyenne générale de l'étape, 37 km/h. C'est une moyenne d'étape de montagne, du moins pour des professionnels. La montagne que nous aborderons d'ailleurs déjà demain, le maillot jaune, lui, est toujours porté par Peter Sagan. Que vous conseillez alors à part un bon livre quand les étapes sont longues ou éventuellement un bon disque ou un mot croisé? Que vous conseillez Samuel? Bon courage, bon amusement tout à l'heure. Alors, écoutez, l'amusement sera de la partie, même si les coureurs ne font pas le spectacle. Quand on est passionné par la cause cycliste, on trouve toujours son bonheur quelque part, je vous rassure. Mais vous avez bien raison, et quand on tricote, on est toujours passionné par un bon tricot en même temps que le Tour. Quel genre de femme êtes-vous autour de la table? Vous êtes plutôt Saumur, Champigny-le-Vin ou porcelaine de Limoges? À Saumur. À Saumur, Champigny, Julie. Alors moi, j'ai un goût pour la porcelaine. Surtout de Limoges. Quel autre? Impossible. Et vous, Julie? Allez, comme Sarah, Saumur. Saumur, Champigny, les filles sont dans un instant, People et Guillaume Musso. Les soldes XXL sur des centaines d'articles en électro et multimédia, profitez-en aussi sur Krefel.be. Krefel. Les meilleurs prix, service compris. Grâce au Last Minute Appel, vous pouvez partir en voyage dès demain dans l'une de nos voitures de stock à prix super attractif. Voici déjà un cours express de portugais. Bonjour, jolie madame. Hola, meu amor. Il fait beau. O dia está bonito. Surfez vite sur opelstock.be et prenez la route dans une Opel de stock à prix super attractif. En télé sur la Une. L'été de Devoir d'enquête. Une collection de documents inédits, des révélations exclusives, des témoins privilégiés. Parfois j'avais peur, je tremblais en décrochant le téléphone. Pour découvrir les dessous de l'actualité judiciaire, rendez-vous avec Devoir d'enquête chaque mercredi sur la Une. Jusqu'au 24 juillet, Vivacité vous donne rendez-vous sur les routes du Tour de France. Toute l'actu du Tour, les particularités de l'étape, les enjeux, le tourisme et bien sûr la course avec les arrivées en direct. Du lever des coureurs jusqu'au podium, ne ratez pas un instant de la grande boucle. Ce mardi 5 juillet, 4e étape, 237 km 500 en plaine entre Saumur et Limoges. Le Tour de France, vivez-le en direct sur Vivacité avec la rédaction des sports. À gauche, les naturistes. À droite, les colonies de vacances. Bon, et je m'installe où, moi? En été aussi, choisir le bon côté, c'est important. Alors, dès 13h, Vivacité vous invite à prendre l'été du bon côté. La grande évasion commence dans quelques instants sur Vivacité. Viva, viva. 8h, 9h, le 8-9. Les people en vacances, il est 8h45. Julie, vous avez promis du olé olé. Oh oui, un petit peu avec des nouvelles de Madame Lara Fabian, s'il vous plaît. Imaginez un petit peu Lara Fabian en vacances. C'est plutôt montagne ou playa farniente? Vous pensez à quoi? Elle a une tête montagne. De playa. Ouais, ah, non, oui, non, une tête de montagne. Julie dit montagne. Une tête de playa. Pas une tête de... Moi, je trouve qu'elle a une tête de montagne. Ah, elle a plus longtemps, elle a une tête de playa. Oui, effectivement, elle est à la plage. Elle a posté en fait sur son Facebook une photo d'elle. Un petit peu bikini, sexy, olé olé, échancrée, tout ça. Elle est canon. On peut le voir sur sa page fan. Elle est jolie encore. Hein. Le sourire, la petite natte dans les cheveux, le teint hâlé. Tout va bien pour elle, mais des vacances de courte durée. Apparemment dans le pays où elle a grandi, en Italie, puisque la tournée mondiale va arriver, monsieur, et elle va bosser aussi tout bientôt sur son nouvel album. Apparemment, elle commence à avoir des petits collabos avec des équipes suédoises pour ce nouvel album. Elle a des taches de rousseur à la Marlène Jobert. Oui, il faut faire attention, mettre de la crème solaire. Oui, moi je lui conseillerais d'arrêter de se promener avec un truc aussi décolleté. Ouais, ça vous plaît pas peut-être. Mais je suis contre parce qu'elle a des petites taches de rousseur à la Marlène Jobert. Faites attention à sa peau, c'est bien. Parce que vous regardez les petites taches de rousseur et pas autre chose. C'est peut-être du bikini pareil. Ah, vous croyez que c'est du sable? Peut-être qu'elle s'est roulée dans le sable. Qu'elle s'est frottée langoureusement le sable. Non, je t'ai plus. Suivant. Alors, vous savez quoi? On va faire un petit jeu pour donner des nouvelles d'une autre star qui est en vacances pour l'instant. Attention, je suis née en 1972 à New York. Je suis la fille de Tony Danza dans Madame est servie. Souvenez-vous. Ah oui, Alyssa Milano. Donc, elle est devenue une des sorcières Halliwell. On parle bien sûr d'Alyssa Milano. Elle s'ennuie un petit peu avant son retour sur le petit écran et du coup, elle s'amuse sur Instagram à faire parler d'elle grâce à une photo qu'elle a postée récemment d'elle quand elle était toute petite. Elle avait à peine un an et on peut voir justement la petite photo d'une petite bouille d'ange, toute mimi, on la reconnaît à peine. Alyssa Milano, bébé, à voir sur son compte Instagram. Et bientôt dans la TV, parce qu'elle va revenir en fait avec un de ses partenaires du petit écran, Jason Lee, qui joue dans la série My Name is Earl. Je ne sais pas si vous avez un petit peu suivi. Mm-hmm. Jusqu'à Lara Fabian, moi je suivais. Après, j'ai un peu décroché. Après, j'ai un peu perdu. La belle Alyssa Milano, ça ne vous parle pas, Benjamin? Oui, c'est bizarre. Je vois absolument pas qui non c'est. Mais je suis non désolé. Pendant ce temps-là, mais peut-être que nous, on voulait lui ressembler quand on était petite. On a toutes voulu ça, on est d'accord. On voulait être d'accord comme elle. Désolé, je lisais L'Écho et Le Monde diplomatique. Oui, bien sûr. Pendant ce temps-là. Le sinon, elle va revenir size bientôt aussi. Hein, donc, elle bosse un petit peu à sa nouvelle série TV qui va arriver. Ce sera What Goes Around Comes Around. Et ce sera pour tout bientôt. C'est un titre de Justin Timberlake, ça. Même les mots, j'ai plus compris sur la fin. 8h47, au mois d'avril, Guillaume Musso était venu dire bonjour dans le 8-9 pour nous présenter La Fille de Brooklyn. Donc Raphaël est un écrivain à succès, il est sur le point d'épouser la jeune Anna, 25 ans, mais il a l'obsession du secret. Donc il va lui dire, si tu veux qu'on aille plus loin, tu dois tout me dire, dis-moi tout. Et là, elle va lâcher le truc en lui montrant une photo de trois corps carbonisés. C'est marrant ce truc sur le couple, l'obsession de tout savoir de toi. Oui, moi je suis assez opposé à ça parce que l'amour se nourrit du mystère et finalement vouloir tout savoir de l'autre, c'est tuer le mystère, donc in fine, tuer l'amour. Donc c'est une très très mauvaise idée de vouloir tout savoir de... Oui, il n'est pas à la hauteur, votre gars d'ailleurs, parce qu'il dit je veux savoir, je veux savoir, et quand on lui montre une photo de trois corps carbonisés, il flippe et il s'en va, il n'est pas à la hauteur. Il fait ce que peuvent faire pas mal d'hommes, à savoir il se montre faussement compréhensif, c'est-à-dire il dit ma chérie, je peux tout comprendre, je peux tout entendre, mais effectivement, il lui montre une photo assez terrible, à partir de là, il s'en va, il prend sa voiture, il roule 10 minutes, et puis il revient finalement, et lorsqu'il revient, Anna a disparu, et tout le roman, c'est la quête de cet homme, l'enquête pour découvrir qui est vraiment cette femme et surtout pour savoir, pour la retrouver. Alors c'est une vraie enquête parce qu'elle n'est pas vraiment Anna, ça vous lirez. Et puis il y a un duo qui va se former, non pas un duo de flics, mais donc le narrateur qui est romancier et un ami à lui qui lui était un ancien policier et qui va aider à l'enquête. Ce duo, c'est comique, vous avez vraiment voulu un duo? Oui, j'ai voulu un duo un peu à la manière des Buddy Movie et là on a un duo complémentaire. C'est-à-dire Buddy, c'est des films de potes, quoi. C'est ça, ouais, c'est ça. Et on a ce flic, lui, qui enquête avec les méthodes traditionnelles de la police, et on a l'écrivain qui, lui, enquête avec sa sensibilité d'auteur, en considérant comme ça les différents suspects comme étant des personnages de romans. J'interromps l'histoire parce qu'il y a un truc drôle. Donc le narrateur est romancier exactement comme vous. Et alors, un petit peu comme moi, oui. Un peu. Et alors à un moment, il prend un taxi et le chauffeur de taxi dit au romancier qui reconnaît « Vous avez tout mon respect, mais je voulais quand même vous dire que vous avez une vision assez malsaine de l'humanité. » Et je me suis dit, comme vous le placez au début du roman, qu'un chauffeur de taxi a dû vous dire vraiment ça un jour. Oui, alors ouais. le même chauffeur dit « Ma femme passe toutes mes nuits avec vous, mais je ne suis pas jalouse. » Donc ça, c'est vrai. Et on vous l'a dit vraiment. Oui, c'est des choses qu'on me dit, c'est des petits clins d'œil comme ça au lecteur. Vous avez une vision malsaine de l'humanité. Non, mais disons, l'auteur écrit des choses qui sont un petit peu plus gore que les miennes. Donc c'est pas exactement un décalque de moi-même. Alors on voit jusqu'où ça ressemble effectivement, parce que l'auteur à un moment, ça n'a rien à voir avec l'intrigue policière et la quête de Setana, mais l'auteur n'écrit plus parce que depuis 3 ans, il vit, donc il s'occupe de son enfant. Il écrit plus parce qu'il vit. Et vous vivez de temps en temps, parce qu'avec un bouquin par an, ça fait du boulot. Vous vivez de temps en temps ? Bien sûr. Enfin, il y a eu une époque où quand même ma femme m'a dit « Est-ce que tu te rends compte quand même qu'en passant 10 heures ou 12 heures par jour à écrire des romans, tu vis davantage dans un monde imaginaire avec des êtres de papier que dans la vraie vie avec moi ?» Ça, c'est un reproche. C'était un reproche, absolument. Mais ça m'a donné une idée, l'idée d'un roman qui s'appelle « La fille de papier » que j'ai écrit il y a 6 ans, qui est l'un des préférés des lecteurs et qui raconte l'histoire d'un écrivain victime du syndrome de la page blanche et qui, une nuit, voit sur sa terrasse une jeune femme nue qui se trouve être l'héroïne de ses romans. Et donc c'était un roman sur comment des personnages de fiction peuvent vous ramener à la vie, vous ramener à la réalité. Je vais un peu sur le marché littéraire. Donc, 2015, 1,7 million de livres vendus en France. Ça représente un truc pour vous, c'est juste des chiffres de papier, des comptabilités, vous voyez l'argent qui tombe, point. Ça représente quoi pour vous ? Mais non, ça représente les lecteurs que je vois devant moi lorsque je prends le métro ou le train ou l'avion ou lorsque je fais une séance de signature. Et ce que j'aime beaucoup, moi, c'est que les gens me posent des questions sur mes histoires, sur mes personnages, jamais sur moi. C'est pour ça que cette activité de romancier, moi, me convient bien. Et vous devez vous justifier de temps en temps sur ce que tel ou tel héros a pris comme direction. Vous devez vous justifier ? Je dois me justifier, oui, de la fin de certains livres. Alors, c'est plus un jeu qu'une véritable justification, mais c'est toujours intéressant de voir comment une même histoire peut être reçue de façon complètement différente. Alors les romans sont traduits aussi en 40 langues et souvent à l'étranger aussi. Pareil, c'est assez drôle de voir comment les gens réinterprètent selon leurs valeurs, selon leur culture, une même histoire. On est en train de se remémorer l'année écoulée, donc Guillaume Musso, c'est Guillaume Musso, et c'est Maxime Chattam, on est en train de parler de ça, qui sort avec Faustine Bollard. Vous voyez la fille qui fait les pâtisseries ? Et Rising plus Star. Sa tête, mais oui. Oui, Faustine Bollard, c'est la canon. Qui est canon. Eh ben, elle n'est pas avec Guillaume Musso, elle est avec Maxime Chattam. Ah vous le saviez ? Ben voilà. Ah ben non, j'apprends des choses en venant, ça c'est bien. Ah ben, c'est pour ça qu'il y a 8-9 l'été. Dans un instant, tube de l'été, on ira ? On ira. Jo Dassin. Tu voudras qu'on... L'imitation est trop blanche. 11h, Vivacité aura un air de vacances. Méga solde chez Plumard. Jusqu'à moins 65% sur des centaines de matelas, sommiers, lits, box springs, linge de lit. Plumard, bien dormir est tout un art. Il y a toujours un Plumard près de chez vous, à Rocourte et Verviers ou sur plume-art.be. Plumard. Tous les matins, Vivacité vous propose une séance de rattrapage. Les meilleurs moments des émissions de la veille. Vous embrouillez tout, hein, Benjamin Maréchal. Et bien sûr, toutes les infos dont vous avez besoin pour bien commencer la journée. Bouffée d'air chaud qui nous arrive. Vivacité Matin, dès 4h30, avec Karine Bresse. Le matin, c'est malin. Voltaren est un médicament au diclofénac. Pas d'utilisation prolongée sans avis médical. Ne convient pas aux enfants de moins de 14 ans en cas d'hypersensibilité aux agents anti-inflammatoires non stéroïdiens ou en cas de grossesse. Lire attentivement la notice. Aujourd'hui, on va travailler les genoux. On se couche sur la plage et on se lève une fois pour les enfants. Ils veulent de l'eau dans le petit seau et on se recouche et on se relève. Ben oui, il faut leur mettre de la crème, allez. Retrouvez le plaisir de bouger grâce à Voltaren Emulgel Forte contre les inflammations douloureuses de vos articulations. Une seule application toutes les 12 heures. Soulage votre douleur durablement. Voltaren. Bon, pendant toute l'année, on s'est plongé dans l'actualité musicale. Laissons ces gens travailler pour revivre les meilleurs moments de l'été. Bah 8h54, oui. C'est un tube de l'été que vous amenez, Julie. Oui, c'est l'été indien de Joe Dassin, mais je vais d'abord vous raconter la petite histoire. En fait, c'est l'histoire de deux mecs pour qui ça ne va pas super bien. Alors, Joe Dassin, il a sorti un album en 74. Bon, ça, pour Noël, ça marchote, c'est pas super. Et puis, de l'autre côté, il y a Toto Coutinho, vous connaissez. Ah ouais. Hein, ouais. La chatte mi canta. Ah ouais. Il a fait un morceau qui s'appelle Africa et qui cartonne pas super bien non plus. Du coup, Toto Coutinho se dit je vais aller à Paris et je vais aller proposer ce titre à Claude François. Donc il y va, il va à Paris, il fait écouter le titre, mais Claude François... Il sonne à la porte, donne voilà, les détails. Exactement, ils vont dans la maison de disques. Mais Claude, si, François, Claude François ne se réveille pas, il a fait la bringue la veille. Comme d'habitude. Donc Toto Coutinho est là dans le studio. Mais bref, il y a des gens pour l'écoute de ce morceau, dont je vais retomber sur son prénom, qui s'appelle Jacques Play. C'est le directeur artistique de Joe Dassin. Et justement, lui, il est en quête d'un morceau qui marche pour Joe Dassin parce que justement, son album ne fonctionne pas. Donc, Claude François ne se réveille pas. Jacques Play prend le morceau donc, qui s'appelle Africa pour le proposer à Joe Dassin. Joe Dassin va écouter le morceau, il va complètement se le réapproprier, il va le réarranger, il va mettre des paroles en français dessus, il va mettre deux paroliers sur le coup qu'il va d'ailleurs envoyer à Deauville pour essayer de faire ce morceau. Les deux paroliers qui sont à Deauville trouvent que le temps est magnifique, que les couleurs sont splendides. Du coup, ils arrivent à cette idée d'été indien. Il enregistre le morceau le 24 mai sur fond de « On ira où tu voudras, quand tu voudras ». Ça donne l'été indien. C'est le tube de Joe Dassin. C'est le plus gros tube de Joe Dassin. Il l'a vendu à 1 million d'exemplaires en France, à 2 millions dans le monde entier. Il n'aura jamais fait une aussi belle vente. Je vous propose d'écouter l'été indien. On ira où tu voudras, quand tu voudras. Vous le faites bien. Encore. J'aurais aimé. Et on s'aimera encore lorsque l'amour sera mort. Il y a un petit côté slow, c'est une braguette comme ça. Hein. Ah oui, c'est vrai. Et en fait, la particularité de ce morceau, c'est que c'est un des premiers morceaux où il a parlé vraiment dans le couplet. Ouais. Et c'est ce qui a fait son originalité. Et c'est pour ça que ça a marché. Alors, vous savez, vous connaissez Guy Marchand. Oui, bah oui. Guy Marchand. Destiné. En fait, exactement. Eh bien, il a repris. Il a repris le refrain de l'été indien pour le faire à l'envers au niveau des notes. Et ça a donné Destiné. Alors, je ne sais pas si on a un extrait de Destiné. Ah, ben voilà. On était tous les deux destinés. Ah, c'est Benjamin. C'est la même chose à l'envers. C'est la même chose. C'est la même chose que le ref au niveau des notes, hein, des notes de musique, pas des paroles. Hein. Sinon, on ne comprendrait rien, évidemment. Si, c'est pas la même personne non plus, tu vois. Mais ça, c'est pas mal ce slow. On devrait se le faire avant votre grand départ, Benjamin. Mais non. Oh, il n'y a pas de grand départ. Allez, s'il vous plaît. Demain, c'est Sarah qui vous réveille dans le 8-9. On peut refaire les deux cumulés. Oh. André qui réalise, tu veux bien nous remettre l'été indien. L'été indien d'abord. On ira. Allez. Où tu voudras. Attendez, j'essaie de voir si c'est la même chose. Allez. Vas-y, oui, change, si change, change. Destiné. Mais à l'envers. On est oui, c'est. Julie Ménage, vous voyez le lien ou pas? On avait deux verres dans le nez, oui. Ouais, là, ça ne saute pas. Mais vous vous imaginez un peu le titre chanté par Clo-Clo, vu que c'était destiné à lui, normalement. Destiné. Non, pas destiné. L'été indien, on ira. Oui, ça, où tu voudras quand tu. Oui, c'est obligé. Et Toto Coutinho, c'est un tout grand, c'est ce qu'il est devenu parce qu'on ne le voit plus. Toto. C'était un tout grand de l'époque. Moi, je pense qu'il a encore. Tout grand, non, il était petit, je sais pas quelle taille il faisait en mais fait. Non, mais tout grand de carrière, oh là là. C'est vous la spécialiste musicale ou c'est pas vous la spécialiste musicale? Non, mais il vit vous encore. Vous savez, de nos jours, on fait des spécialistes avec tout. Hein. Ah, mais ça, non, mais il vit encore, sérieusement, Toto Coutinho? Toto Coutinho, bah écoutez, je vais Wikipédia, je vous redis ça demain. Ok, pardon, je vous ai mis mal à l'aise. Excusez-moi. Non, mais je pense qu'il est encore vivant, sinon on l'aurait su, non? On ne sait pas toujours tout dans les médias. Bon, alors allons, ne la mettons pas mal à l'aise, allons pudiquement vers la météo. La chimée dorée. Caractère, fraîcheur et légèreté pour l'été. Chimay, les accords bières et fromages depuis 1876. On ira. Ouais. Ah, pas mal. Quand tu voudras. Ouais. Ouais. Vous pourrez me faire Alexandre et Alexandra demain. Ah oui, tout ce que vous voulez, moi, tout ce que vous voulez. Et peut-être un petit peu d'été au passage. Oui, merci. Cette année-là. Ouais. Ouais. il fait bien le... pas. Allez, il va arriver quand même l'été. À partir de jeudi, les températures vont remonter. 18 à 23 degrés, 19 à 24 pour vendredi. Mais avant ça, je dois vous parler d'aujourd'hui. Il n'y a rien à faire avec quand même encore pas mal de nuages bas, de grisailles. Et oui, on va encore parler même de bruine dans le courant de la journée. Heureusement, les quantités seront très faibles. Le vent va augmenter, orienté au secteur ouest, avec même des petites rafales sur nos plages, 50 km à l'heure. La nuit prochaine, ça redevient sec. Demain, un temps quasiment sec. Hein. S'il y a une averse, ce sera vraiment très ponctuel, 17 à 21 degrés. Et comme je vous l'ai dit, eh bien, à partir de jeudi, ça y est, l'anticyclone nous revient avec des éclaircies, un temps sec, 18 à 23 degrés, 19 à 24 vendredi. Et on poursuit avec 21 à 25 samedi et 23 à 28 degrés pour la journée de dimanche. Gardez votre voix pour The Voice. The Voice revient, les auditions sont ouvertes. Inscrivez-vous et grande nouveauté, vous pourrez aussi inscrire un ami. Rendez-vous sur rtbf.be/The Voice. Excellente matinée, 9h sur Vivacité. Et les infos avec Sébastien Pierret. Bonjour Sébastien. Bonjour Philippe, bonjour à tous. Près de 8 mois après les attentats de Paris, la commission d'enquête parlementaire française rend ses conclusions. Oui, une liste de 39 propositions pour lutter plus efficacement contre le terrorisme. Elle est présentée en ce moment. Parmi ces mesures, de quoi améliorer l'échange d'informations entre pays européens en utilisant mieux la banque de données Schengen qui sert à tous les pays de l'Union. Mais il reste pas mal de boulot pour l'améliorer. Le fichier Schengen, il y a eu un avant et un après 13 novembre. Après le 13 novembre, il y a eu une vraie prise en considération des différents pays de l'espace Schengen de l'alimenter. Néanmoins, aujourd'hui, on n'a que 20 pays sur 28 qui alimentent le fichier Schengen. Ce n'est pas suffisant et la manière dont il est alimenté est là aussi souvent défaillant de la part d'un certain nombre de pays qui n'ont à la fois pas les infrastructures techniques ou des services de renseignement adéquats pour pouvoir remplir de manière assez précise le fichier Schengen. Donc il y a un problème effectivement d'alimentation et un problème de précision de ce fichier. Sébastien Pietrasanta, le rapporteur de la Commission française sur les attentats, des propos recueillis par nos collègues de Radio France. Dans les attentats de Paris, Salah Abdeslam a toujours minimisé son implication. Pourtant, selon son ancien comparse de cavale, Mohamed Abrini, l'homme au chapeau, il a joué un rôle important. Salah Abdeslam a été chercher lui-même la plupart des terroristes de Paris. Il les a casés dans des planques, un rôle de logisticien donc. Le jugement dans le procès de la cellule terroriste de Verviers doit tomber ce matin. La cellule de Verviers préparait des attentats sur le sol belge. Elle a été démantelée en janvier 2015 lors d'une grosse opération de police. Le procureur fédéral a réclamé des peines allant de 10 à 18 ans de prison pour les quatre principaux suspects. Écolo veut dépénaliser complètement l'avortement. Oui, comme défié le Parti Socialiste il y a peu, Écolo déposera une proposition de loi en ce sens ce mardi au Parlement fédéral. Aujourd'hui en Belgique, l'avortement est dépénalisé, mais partiellement, ça veut dire qu'il est autorisé à certaines conditions, comme la condition de détresse. La députée écolo Muriel Gerkens n'en veut plus. Ce qu'on ne veut plus, c'est que quelqu'un d'autre estime le degré de détresse de la femme qui vient demander un avortement. Demander un avortement, on est forcément en situation de détresse. Et donc c'est à elle de l'évaluer, de l'estimer et puis de faire sa démarche. Il ne revient pas à un agent extérieur de s'interroger est-ce qu'elle est vraiment et suffisamment en détresse. Et là, c'est vraiment de nouveau le respect de cette démarche qui est une démarche difficile. Le corps médical doit pouvoir y répondre de la manière la plus appropriée et la plus respectueuse et on garde une période de réflexion pour que ce soit vraiment un acte qui est posé quand même en sachant ce qu'on fait et en mesurant les conséquences. La seule chose qui